السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو خير الناصرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو خير الصابرين، عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما وعملا. وبعد، نواصل الكلام في أحكام الوضوء. Nous continuons l'étude des règles de Al-Wudu. Durant le dernier cours, nous avons étudié Furud al-Wudu, wahiya arkan, les obligations, les ablutions, c'est-à-dire les piliers, Wahiya sitta, et ils sont nombre de six. Ils ont tous été cités dans le verset connu, ayat al-wudu. Ayyuha alladhina amanu idha kumtum ila as-salah. Al-aya. Fahadhi al-af'al la tasqutu bihal. ولو نسيها ولو أخطأ الرجل فيها ما يصح وضوءه، بل عليه أن يعيده. Donc ces piliers, ces obligations de l'wudu qui sont nombre de six, sont des choses qui, si la personne les délaisse, que ce soit par oubli ou par faute, ces ablutions ne seront pas authentiques. Il devra plutôt les recommencer. Premièrement, qu'est-ce qui nous les rappelle? Al-awwal, la première obligation, ghasl al-wajh, wa minhu al-madmada wa al-istinshaq. Premièrement, le fait de se laver le visage. Et entre dans le visage le nez, ou plutôt la bouche, na'am, et le nez. لِأَنَّ الْوَجْهَ هُوَ مَا تُوَاجِهُ بِهِ النَّاسِ. Na'am, car le visage, c'est ce avec quoi tu te diriges en face des gens. C'est ce qu'il y a, ce qu'on voit lorsque tu donnes ta face à une personne. Donc la première obligation dans le wudu, le fait de laver ton visage. La deuxième obligation, na'am, la deuxième, غسل اليدين إلى المرفقين, le fait de se laver les deux mains jusqu'au coude. Celui qui fait le wudu, qui se lave les mains et les bras, mais ne lave pas le coude. من توضى فغسل يديه وساعديه وترك مرفقين فهل يصح وضوءه. Celui qui lave ses deux mains avec les avant-bras et ne lave pas son coude, est-ce que ses ablutions sont bonnes ou pas? Non. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset, wa aydiyakum ila al-marafiq, ay ma'a al-marafiq. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset nous dit, et lavez vos mains jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait expliqué haddul wajh, la délimitation du visage. Na'am. Donc c'est min manbat al-sha'r al-mu'tad. Donc c'est de l'endroit où les cheveux commencent à pousser, une satah al-jabha, du haut du front. Na'am. Ila asfalil lahyayn, jusqu'au bas du menton. jusqu'au bas du menton. Et arban min al-udhun ila al-udhun. Et dans la largeur, c'est de cet endroit-là, de l'oreille, jusqu'à cet endroit-là. Donc il doit laver d'ici à là, et doit laver de là à là. Naam. Ça, c'est pour celui qui n'a pas une barbe qui cache la vue de son menton, de la peau de son menton. Quant à celui qui a une barbe fournie, cette personne-là, c'est jusqu'au bas de sa barbe. Ça ne s'arrête pas au menton, ça s'arrête à la fin de sa barbe. Al-fardu thalith, troisième obligation. Massu al-ras, ou bien raslu al-ras. Mass, na'am, le fait de passer les mains mouillées sur la tête. Quelle est la différence entre al-rasl ou al-mass? Hein? Laver et essuyer. Laver et essuyer. Pour le visage, on doit laver. Pour les mains, avec les coudes, on doit laver. Pour les pieds, on doit laver. Mais pour la tête, on doit essuyer. فالغسل هو إجراء الماء على العضو. الغسل, c'est le fait de faire passer l'eau sur le membre. Alors que المسح إمرار الماء على العضو. على العضو, le fait de passer seulement. Na'am, passer ses mains mouillées. Donc il y a une différence entre الغسل et المسح. Na'am. المضمضه, المضمضة, lorsque tu mets de l'eau dans ta bouche et que tu le rinces, ça s'appelle المضمضة. لغتان هو التحريك. Dans la langue arabe, المضمضة, c'est le fait de bouger une chose. نعم, تقول مضمض مضمض الشيء إذا حركه. وشرعا هو جعل الماء في الفم وإدارته. Donc المضمضة, c'est le fait de mettre de l'eau dans la bouche et de se la rincer, de faire tourner cette eau-là. Il y a des savants qui ont dit mettre de l'eau dans la bouche est une obligation. Amma, le fait de faire tourner l'eau dans la bouche, ça n'est pas une obligation. Il y a aussi al-istinshaq. Al-istinshaq idkhal al-ma'i ila al-anf. C'est le fait de faire rentrer l'eau dans les narines. Al-istinthar, c'est le fait d'expirer l'eau des narines. C'est le fait de rejeter l'eau des narines avec un souffle émanant du nez. Et les savants sont tous d'accord pour dire que al-madmada et al-istinshaq matlouban. Al-madmada, le fait de se rincer, de mettre de l'eau dans sa bouche et de se la rincer, et de mettre de l'eau dans son nez et de se moucher avec l'eau, c'est une chose demandée. Puis ils ont divergé sur l'obligation. Naam. Amma, le fait de laver le visage, ça a été cité explicitement dans le verset. Il n'y a pas de divergence sur ce qui a été cité explicitement dans le verset. Et certains disent que c'est obligatoire, car il y a des textes qui démontrent cela. Le prophète sallam n'a pas délaissé cette action. Et deuxièmement, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, kama kharajahu Abu Daoud wa sahahu al-allamatu al-albani rahimahumullah, idha tawadda'ta famadmid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, lorsque tu fais le wudu, alors fais al-madmada, mets de l'eau dans ta bouche. وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, exagère lorsque tu fais entrer l'eau dans ton nez, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Sauf quand tu es en état de jeûne. Quant à al-istinthar, donc le fait d'expirer l'eau avec ses narines, la plupart des savants disent que ça n'est pas une obligation. Et certains ont même dit, il y a l'ijma'. Il y a l'ijma', le consensus des savants. Naam. Donc ensuite, tu laves tes mains jusqu'au coude. Et une chose très importante, c'est que ça commence des doigts et ça finit au coude, les coudes y compris. Donc tu dois forcément dépasser un petit peu pour avoir la certitude d'avoir lavé tes coudes. Et c'est une faute qui est très répandue. C'est que les gens lavent leurs bras, mais ne dépassent pas de sorte à être sûrs d'eux d'avoir lavé le coude. Celui qui n'a pas lavé son coude, son wudu n'est pas authentique. Car il lui manque une obligation. Il lui manque une obligation. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma la hawla wa la quwwata illa billah. L'obligation suivante. Naam. Avant ça, masu ar-ra's. Naam, le fait de passer les mains sur la tête. Qu'est-ce qui entre dans la tête? Al-udhunan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-udhunani min ar-ra's. Les deux oreilles font partie de la tête. Donc, tu passes tes mains mouillées, naam, sur ta tête. Tu commences du front, tu descends et tu dois passer sur toute la partie. Donc, tu commences où commence le front, ou plutôt ou du haut du front. Tu descends, naam, jusqu'à la nuque. Tu descends jusqu'à la nuque, à la fin des cheveux. Tu reviens, naam, tu reviens. Et tu fais directement tes oreilles, la partie intérieure et la partie extérieure. Voilà, c'est clair. Donc la personne passe ses mains mouillées. Elle ne fait pas le ras, elle fait elle mesh. Naam, elle n'a pas l'obligation de prendre ou bien elle ne prend pas de l'eau et elle met ainsi ou elle met sa tête comme ça. Non, juste ses mains mouillées. Et ça, les savants ont dit que dans cela il y a une grande rahma pour les serviteurs. Pourquoi? Parce que si on avait eu à chaque fois à mettre de l'eau sur la tête, il y aurait eu dans cela une lourdeur pour le serviteur. Mais par la miséricorde, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste les mains mouillées, on se passe les mains sur la tête. Naam, on commence donc au-dessus du front, on descend à la nuque où il y a les cheveux, on remonte, naam, et ensuite on essuie les oreilles. Naam, l'intérieur et l'extérieur ainsi. Donc en faisant cela, d'accord, une fois, comme on le verra, contrairement aux autres actions, tu peux les faire une deuxième fois, une troisième fois. Pour la tête, c'est une fois. Naam. Après la cinquième obligation, naam, ghuslu al-qadamayn ma'a al-ka'bayn. Donc, la cinquième obligation, le fait de se laver les deux pieds avec les al-ka'ban. Naam, al-ka'b. C'est quoi al-ka'b? C'est la boule qu'il y a sur, c'est les deux boules qu'il y a sur les côtés de la cheville. Les deux boules qu'il y a sur les côtés de la cheville. Naam. Alhamdulillah. Les deux boules qu'il y a sur le côté de la cheville, c'est ce qu'on appelle al-ka'b. Donc sur chaque pied tu as deux ka'b. Naam, sur chaque pied tu as deux ka'b. Normalement. L'obligation suivante. Celle-ci c'était la quatrième, donc la cinquième. Naam. At-tartib, l'ordre. C'est-à-dire de commencer par le visage, puis les mains jusqu'au coude, puis la tête, puis les pieds. Tu n'as pas le droit de laver, par exemple, tes mains, puis la tête, puis les pieds, ainsi de suite. Tu dois suivre l'ordre qui est venu dans le verset. Tu dois suivre l'ordre qui est venu dans le verset. Ja'a arabiyun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala lahu sallallahu alayhi wa sallam. Tawadda' kama amaraka Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un bédouin, fais tes ablutions comme Allah te l'a ordonné. Donc il l'a orienté, renvoyé vers quoi? Vers le verset. Et dans le verset, les actions nous ont été citées dans un ordre précis. La dernière obligation, al-mu'ala, na'am, la succession. Le fait de faire ses ablutions et qu'il y ait cette suite et qu'il n'y ait pas un délai excessif d'un membre à l'autre. Certains savants disent la délimitation dans cette question est de dire qu'il ne faut pas que lorsque tu laves une chose, la chose lavée avant est séchée. Naam, la chose lavée avant est séchée. Si par exemple, arrivé Maza, au bras, ton visage a séché, c'est que tu es resté un temps trop long, donc ton wudu ne sera plus bon. Tu devras le recommencer du début. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un compagnon qui avait vers son talon l'espace d'une pièce qui n'avait pas été touchée par l'eau, et il lui a dit irji tawadda wa salli, il lui a dit retourne, refais tes ablutions et recommence la salat. Si al-muwala, la succession, n'était pas une obligation, il lui aurait dit quoi? Lave la partie du pied qui n'a pas été touchée par l'eau. Naam, lave juste la partie du pied qui n'a pas été touchée par l'eau. Nous sommes arrêtés là. Donc nous avons vu shurutul wudu, les conditions des ablutions, pour que les ablutions soient authentiques. Nous avons vu ensuite furudul wudu, les choses, les actions obligatoires à faire dans les ablutions. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis, à une époque il y a de nombreux troubles, même dans ces demeures, d'être assis dans l'assise des anges. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah azza wa jal. Et nous, c'était Allah, tu n'aurais pas pu avoir cette place. Naam. Tu aurais été dans les problèmes. Et les anges seraient en train d'inscrire tes péchés. Naam. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a préféré à beaucoup de ses créatures, tu es dans l'assise, dans une assise, des assises recherchées par des anges qui parcourent la terre à la recherche de ces assises. وَهَذَا فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا عَظِيمٌ جِدًّا. Et ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal sur nous. Pas par notre force. Comme le disait Cheikh Mokbila rahimahullah ta'ala, لَيْسَ بِحَوْلِنَا وَلَا بِقُوَّتِنَا وَلَكِنَّ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ. Notre enseignant répétait beaucoup cette phrase que disait l'archirachir Mokbir rahimahullah ta'ala, ça n'est pas par notre force. Ou plutôt, naam, ni par notre capacité à passer d'une étape à une autre. Mais c'est une chose qu'Allah a voulu pour nous. C'est une chose qu'Allah a voulu pour nous. Ne pense jamais que si toi tu es guidé ou tu as un bien sur quelqu'un d'autre, c'est parce que tu es meilleur ou tu es plus intelligent. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a préféré à ces gens. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah dit dans le Coran, mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi. Naam. Ou plutôt vous a embelli par la foi. Et vous l'a fait aimer. L'a rendu aimé à vos cœurs. Ça, c'est un fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu vois des égarements, remercie Allah Azza wa Jal, celui qui t'a préféré à beaucoup de ses créatures. Car Allah Azza wa Jal t'a préservé de cet égarement, naam, par une grâce émanant de lui. Et lorsqu'on voit tous ces troubles, on doit faire muraja'atun nafs. On doit fouiller en nous-mêmes. Car si on est éprouvé, c'est à cause de nos péchés. Naam. Même si le mal vient en apparence d'une tierce personne, toi révise ta personne. Kulluna nuraji'a anfusana. On fait tous, yani on se corrige tous. Naam. Afin qu'Allah Azza wa Jal repousse de nous le mal et les troubles. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Naam. Wa iyyaka wal 'ujb. Wa iyyaka wal 'ujb. Et fais attention à ne jamais tomber dans le fait de t'étonner de ta propre personne, de ta beauté ou ta richesse ou ton intelligence ou ta science ou ta piété ou autre, ou ta capacité à mémoriser ou à réussir plus vite ou meilleur que les autres. Là, dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah. Et si, ça, si ce n'était par la grâce d'Allah Azza wa Jal, je n'aurais pas pu avoir cette chose-là. Afin qu'Allah Azza wa Jal maintienne sur toi ce bienfait. Et ne t'éprouve pas par la chose qui a été touchée, par laquelle a été touché autrui. Naam. Tu demandes toujours à Allah subhanahu wa ta'ala afin de rester ainsi. Ala siratillahi al-mustaqim. Thabbatanallahu wa iyyakum ala al-haqqil mubin. Le point suivant, sifatul wudu. Le point suivant, sifatul wudu. La description de l'wudu. On a expliqué les conditions d'authenticité, on a expliqué les obligations. Il nous faut savoir, il nous manque à savoir deux choses très importantes. Il nous reste à savoir deux choses très important. La première, c'est Mada Sifatul Wudu, les caractéristiques des ablutions. La deuxième, c'est Sunanul Wudu. La deuxième, c'est les actions surérogatoires à faire dans El Wudu. Et on va citer cela ensemble. Donc là, le wudu que je vais vous décrire, c'est un wudu complet. Pas le minimum à faire, mais un wudu complet. Naam. Qui est le plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque le serviteur tente de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne doit pas viser le minimum, mais il doit chercher le plus à se rapprocher. Ou bien comment au mieux se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sifatul wudu, premièrement yanoui, il met l'intention. Premièrement il met l'intention. Est-ce que l'intention est une chose qui se prononce ou sa place est dans le cœur? C'est dans le cœur. Et le fait de prononcer l'intention, de dire par exemple je fais le wudu pour la prière du dhahr, ou bien de dire salat ou dhahr, je prie le dhahr, et ainsi de suite, ces choses-là sont des innovations. Car celui pour lequel tu pries, alimun khabir, naam, celui pour lequel tu pries, il est savant, parfaitement connaisseur, latifun, et il est connaisseur des choses les plus secrètes. Donc, tu n'as pas besoin de lui dire ce que tu t'apprêtes à faire comme adoration, il le sait avant de t'avoir créé, subhanahu wa ta'ala, et tout cela est inscrit. Tout cela est inscrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu bin niyyat. Naam. Le hadith d'Omar ibn al-Khattab dans Sahihay. Les actions ne valent que par les intentions. Donc tu mets dans ton cœur l'intention de faire cette adoration qu'est al-wudu. La deuxième chose, yusammi, il dit bismillah. La deuxième chose, il dit bismillah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la wudu'a liman lam yadhkurillah alayh. Pas d'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah. Les savants divergent dans ces hadiths. Troisièmement, yaghsilu kaffayhi thalathan. La troisième action, il lave ses mains avant de commencer le wudu trois fois. Il lave ses mains trois fois. Je ne parle pas de laver les mains jusqu'au coude. Non. Mais au début, le fait de laver ses mains trois fois, quel est le jugement de cette action? Une fois ou deux fois ou trois fois. Quel est le jugement de cette action? Allah subhanahu wa ta'ala yuslihak. Naam Adam. C'est recommandé? Jazakallahu khairan. Il mérite un cadeau. Naam. Si tu viens tout le temps, Adam, tu vas fatiguer ton père. Mais nous, tu ne nous fatigues pas parce qu'on est beaucoup. Naam. Man yatawalla al-hadiyya li Adam. Qu'est-ce qui se charge du cadeau de Adam pour alléger son père? Man. Walid, jazakallah khairan. Regarde-le bien. C'est lui qui va alléger ton père. Naam, jazakallah khairan. Donc c'est mustahab. Naam, le fait de laver trois fois ses mains avant de commencer le wudu, sachez que ça n'est pas une obligation. Sauf dans un cas. غسل ماذا اليدين ثلاثا قبل الشروع في الوضوء سنة ليس بواجب إلا في حالة واحدة ما هي sauf dans un seul cas lequel j'aurais pensé que c'était une question difficile تفضل non تفضل جزاك الله خيرا لمن استيقظ من النوم celui qui se réveille نعم celui qui dormait se réveille car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit فليغسلها ثلاثا قبل ان يدخلهما الإناء نعم qu'il les lave trois fois avant de les mettre dans de mettre sa main dans le récipient dans le récipient نعم car il ne sait pas quoi où est-ce qu'elles ont dormi car elle ne sait pas où est-ce qu'on les ont dormi. Naam. Donc la personne, avant de faire le wudu, si elle se réveille, elle doit laver ses mains trois fois. Sinon, ça n'est pas une obligation, c'est recommandé. Est-ce que c'est wadih? Une autre situation où c'est recommandé de refaire ses ablutions, عند إرادة ذكر الله. Lorsque tu veux faire du zikr. Lorsque tu veux faire du zikr. أو الدعاء. Ou si tu veux faire الدعاء. عن أبي موسى أنه أخبره رسول الله صلى الله عليه أنه أخبره أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أبي عامر وأنه قال له أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له استغفر لي فدعا بما فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر متفق عليه. Donc avant de faire dua ou du dhikr, c'est recommandé de faire le wudu pour celui qui n'a pas le wudu. Abu Musa a transmis un message d'Abu Amir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a transmis le salam et il lui a dit de faire dua pour lui afin qu'Allah lui pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire dua, a demandé à ce qu'on lui amène de l'eau. Et il a fait le wudu, ensuite il a levé ses mains et il a fait dua. Oh Allah pardonne à ton serviteur Abi Amir. Oh Allah pardonne à ton serviteur Abi Amir. Dans un autre hadith, عند أبي داود, un homme est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yaboul. Falam yarud alayhi salam. Falamma fara, qala, karihtu an adhkur Allah ala ghayri tuhur. Un homme est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il urinait. Et il l'a salué. Il a passé le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas répondu. À la fin, et il a dit, j'ai détesté prononcer le nom d'Allah sans être en état de purification. À un autre moment, on s'est recommandé de faire le wudu عند النوم, comme a fait hadith al-Bara, au moment de dormir, comme dans le hadith qu'on a déjà étudié, d'ataïta mardiyak, fatawadba'a wudu akalis salah, rawa al-Bukhari ou muslim. Lorsque tu t'apprêtes à dormir, fais tes ablutions comme pour la prière. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib a rapporté un hadith très connu. Lequel? Naam. Le hadith sur les questions de la tombe. Jazakallahu khayran. Une autre sunna ignorée par beaucoup. Et ceux qui sont mariés devraient la prendre et la mettre en pratique. Et vous allez comprendre pourquoi, particulièrement ces gens. Une sunna ignoré de beaucoup de beaucoup de personnes, même parmi ceux qui étudient. Quelle est cette sunna? Al-wudu lil-junub idha arada ya'kula aw yanam. Al-wudu pour celui qui est en état de janaba, s'il veut, après avoir commercé avec son épouse, manger quelque chose. Non, manger quelque chose. Ou dormir directement avant de faire le roussi. Dans ces cas-là, il lui est recommandé, avant de manger, de faire el wudu. De faire el wudu. Puis seulement après, il mange ou boit. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le mieux c'est de faire le roussi directement. Mais celui qui veut repousser le roussi avant le fajr, non, lui, dans son cas, il lui est recommandé de faire el wudu. Donc il est en état de janab. Naam. Il va, il fait le wudu. Puis il dort. Puis il dort. Et il fera le ghusl. Mada. Avant le fajr. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité en cette soirée bénie, insha'Allah ta'ala, loin des soucis et des problèmes. بحمد الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يديم علينا نعمه وأمنه كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يريحنا من شر الأشرار ويوفقنا بتوفيقه بتوفيق من عنده إلى علم نافع وعمل صالح إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.